France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 16h, sur France Culture, donc, et toujours en direct, bien sûr, de la maison, de la radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire, aujourd'hui, une sorte de circumnavigation, un grand transport sur les océans et sur ce qu'il y a, vous voyez, ma langue en fourche. Dans les océans, en particulier à la découverte des protistes et quelques autres énergumènes. Et tout cela en compagnie d'Éric Carsanti, qui est biologiste et qui a reçu et lauréat de la médaille d'or du CNRS pour l'année 2015. Et puis aussi, nous serons avec Martin Handler et dans notre rapport, relation, partenariat avec les mathématiques et donc une page, une œuvre ou un article, une œuvre à la Grande Bibliothèque de France. Mais tout de suite, bien sûr, la chronique animalière. Cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens encore et encore les fourmis. Avec cette question, comment les fourmis s'auto-organisent pour construire collectivement leur nid? Leur taille peut atteindre plusieurs milliers de fois celle des individus qui composent ces nids. Leur capacité à coordonner plusieurs milliers d'individus pour bâtir leur nid, parfois très complexe, demeure, semble-t-il, une énigme. Mais elle commence à être entamée. Car pour comprendre ce phénomène, des chercheurs du CNRS ont combiné des techniques d'analyse comportementale, d'imagerie 3D et de modélisation. Leurs travaux montrent que les fourmis s'auto-organisent en interagissant avec les structures qu'elles construisent et grâce à l'ajout d'une phéromone. Et oui, une phéromone à leur matériel de construction, puisque ce sont des constructions sans architecte, auto-construites. Ce signal donc, la phéromone chimique, contrôle localement leur activité bâtisseuse et détermine la forme du nid. Chez la fourmi noire, par exemple, celle des jardins Lasius niger, le nid est composé d'une partie souterraine constituée par un réseau de galeries et d'un dôme. Un dôme en terre constitué d'un grand nombre de chambres en forme de bulles étroitement imbriquées les unes dans les autres. Les chercheurs ont caractérisé les structures tridimensionnelles réalisées par les fourmis ainsi que la dynamique de construction. Par ailleurs, ils ont analysé les comportements de construction de ces insectes à l'échelle individuelle. Dans la partie située au-dessus du sol, les insectes entassent leurs matériaux de construction pour former des piliers qui servent à délimiter les chambres. Les fourmis disposent préférentiellement leurs boulettes de terre dans les zones où d'autres amas ont déjà été réalisés. Elles ajoutent en effet une phéromone à leurs matériaux, ce qui incite leurs congénères à construire au même endroit et conduit à la formation de ces piliers régulièrement. Lorsque les colonnes atteignent une hauteur correspondant à la longueur moyenne d'une fourmi, c'est en somme leur jauge, les ouvrières façonnent alors des chapiteaux au sommet des piliers. Elles utilisent leur corps comme gabarit pour déterminer quand elles doivent cesser de construire verticalement et commencent à déposer des boulettes latéralement. Les fourmis disposent donc de deux types d'interactions indirectes pour édifier les architectures complexes. Selon un modèle mathématique en 3D de la construction du nid, obtenu grâce à l'analyse des comportements individuels de chacune des fourmis, cela montre que les deux formes d'interaction indirecte utilisées par les fourmis pour coordonner leurs activités reproduisent fidèlement la dynamique de construction lors de ces expériences. Les chercheurs soulignent également, et l'expérience, le rôle clé joué par cette phéromone de construction dans la dynamique de croissance et dans la forme ou les formes des nids. Celle-ci, la phéromone, se dégrade plus ou moins vite selon les conditions climatiques, ce qui permet à la construction de s'adapter à leur environnement. S'il est sec, l'environnement, il y a moins de piliers construits. Les chambres sont alors plus grandes, ce qui met les fourmis et qui permet donc de s'y agréger afin de conserver un peu d'humidité. Si l'environnement, cette fois, est profond, pour finir, est humide, la phéromone persiste plus longtemps, ce qui conduit à un nombre de piliers plus élevé et à des chambres beaucoup plus petite. Résultat, si on veut être logé largement chez les fourmis, il vaut mieux avoir un temps qui mouille. Bonjour Eric Carsanti. Bonjour. Bonjour Martin Delair. Stéphane. On vous entend à peine, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Quelque étonnement, l'auto-organisation tout seul sur l'architecture, non, avant de passer évidemment aux choses qui vous intéressent, Eric Carsanti, non? Ah ben, l'auto-organisation m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé assez longtemps, pendant une vingtaine d'années sur ces questions-là, mais pas au niveau des fourmis, au niveau des molécules dans les cellules. Oui. Pour essayer comprendre comment l'organisation cellulaire émerge justement des interactions entre les molécules. Alors vous êtes bien sûr biologiste, mm-hmm. vous dirigez un gros laboratoire européen en Allemagne, à Heidelberg, je voulais dire son nom, c'est ce laboratoire. Alors en fait je ne dirige pas, non, je dirigeais le département de biologie cellulaire et de biophysique au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg. Maintenant non, je suis à la retraite maintenant, donc depuis 2 ans à peu près, donc je m'occupe surtout, mais je continue à travailler pour Tara Océan. Pour oui, vous travaillez encore plus même, comme c'est certain. Je travaille plus, je sais pas, mais je travaille, je travaille toujours beaucoup, oui. Trop, un peu trop. En tout cas, vous êtes évidemment votre travail, indépendamment, parce qu'on va y venir, ça fait l'objet de notre rencontre et de notre émission. Mm-hmm. Pour revenir à votre travail propre, vous avez regardé de très très près ce qui se passait au moment de la division cellulaire, la mitose, et en particulier vous avez découvert une certaine protéine qui serait déclencheuse donc de ce moment où de l'une elles deviennent deux. Oui, en fait, c'est pas moi qui ai découvert la protéine, mais j'ai beaucoup travaillé avec cette protéine, c'est ce qu'on appelle une kinase, c'est une molécule qui ajoute des groupements phosphates sur des protéines. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette molécule, elle change complètement l'état de la cellule. C'est-à-dire qu'on passe d'une cellule qui est capable de fabriquer du matériau pour accroître pour s'organiser et pour accroître son volume à un état qui lui permet de se diviser en deux. Oui. Donc c'est assez fabuleux. Et oui, bien sûr, encore une malice machinique de l'auto-organisation de la matière vivante, hein, ouais, dans ce cas-là, bien sûr. Vous avez une espèce d'aphorisme, en tout cas je l'ai baptisé comme ça, l'interaction entre les organismes, collaboration plus importante que compétition. Voilà, c'est un premier aphorisme qui pourrait caractériser votre intérêt. Exactement, je pense que dans la théorie de l'évolution, on parle toujours beaucoup de sélection naturelle. Ce qui n'est pas faux, hein, parce qu'il y a évidemment seulement les organismes bien adaptés survivent. Et c'est ce qui permet de voir, à un moment donné, une certaine diversité. Mais la grande question qui n'est pas résolue par ça, c'est l'origine de la diversité. Alors il y a eu pendant longtemps ce qu'on a appelé le néo-darwinisme, c'est-à-dire qu'on expliquait ça par simplement des mutations ponctuelles. À la suite de la découverte des génomes, hein, de la génétique. Bien sûr. Mais en fait, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément d'interactions entre les cellules, entre les organismes, qui jouent un rôle très important dans la complexification de la vie. Et oui, et ça n'arrête pas de se complexifier, de se diversifier. Et donc, la biodiversité, l'espèce d'orientation du vecteur, du mouvement de la vie, d'une certaine façon. Oui, parce que c'est encore une fois une question d'auto-organisation. C'est des interactions entre différents types d'organismes qui peuvent se dévorer ou s'aimer, les deux en même temps des fois, et qui conduisent à la génération de plein de fonctions et de formes différentes. Oui. Venons-en à un certain bateau, une goélette, mm-hmm. deux mâts, plus de 30 mètres de long. 36 mètres. 36 ouais. mètres, exactement. Mm-hmm. 10 mètres de large. 10 mètres de large, oui. Avec un tirant d'eau très faible, donc ce qui permet d'avancer et de pas tout arracher sur les récifs. Mm-hmm. Hein. Enfin, on essaye. Plus aisément que certains grands bateaux océanographiques. Mmh. Ouais. Et pourtant, c'est un bateau océanographique. Il a été construit sur les idées, il a appartenu donc à Jean-Louis Étienne. Et puis après, il y a eu un malheur, puisque mm-hmm. celui qui lui a succédé comme propriétaire s'est fait tuer par des pirates en Amazonie. Et puis ensuite, il a été racheté par un mécène, en l'occurrence, c'est Agnès B., son fils Étienne. Mm-hmm. Et voilà que donc, c'est ce bateau, Tara Expédition, qui, d'un seul coup, est-ce qu'on peut dire, a rapporté, d'une certaine façon, la plus grosse collection du plancton. Allez, disons plancton. Ouais, après, c'est ça. Après, on va compliquer. Oui, ça prend une longue histoire. Enfin, j'ai essayé pendant longtemps de monter une expédition qui était, au départ, c'était plutôt une expédition médiatique, puis ça s'est transformé en une expédition scientifique sur le plancton. Et donc, j'ai rencontré un tas de collègues scientifiques. Pour qui c'était un peu un rêve d'avoir accès à un bateau pendant plusieurs années comme ça autour du monde. Et donc, on est parti sur cette aventure et puis on a monté cette expédition avec Agnès et son fils, Étienne oui. Bourgois et Romain Troublet qui coordonnent tout ça. Et puis un grand nombre de coordinateurs scientifiques de différentes disciplines. Ouais. Et différentes nationalités, puisque mmh. c'est 36. Hein, j'ai noté 36 nationalités pour 230 scientifiques qui ont travaillé. Donc, les dates, c'est grosso modo 2003, je crois. Non, 2009. 2009, pardon, excusez-moi. Enfin, on est parti en 2009, on a commencé à organiser l'expédition en 2008. On est parti en 2009 et on a fini en 2013. Fin de la pêche, ouais. 2013, voilà. Et, vous avez commencé à donner, même auparavant, déjà un certain nombre de résultats. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que vous avez engrangé pratiquement... Est-ce qu'on peut dire que vous avez engrangé l'essentiel de la biodiversité planctonique dans la couche superficielle des océans, puisque grosso modo c'est 200 mètres de profond. Vous avez parfois aussi remonté des choses à plus de 1000 mètres mm-hmm. de profondeur. Mm-hmm. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est jusqu'où descend la lumière dans l'océan ? Jusqu'à 100 mètres environ. Donc la couche, ce qu'on appelle la couche photique, donc illuminée, c'est entre 0 et 100 mètres. Enfin, ça dépend un peu, évidemment, de l'opacité de l'océan où on est, mais c'est en gros, c'est ça. Et en dessous, après, il y a une zone qui est très intéressante, entre 100 et 600 mètres, qu'on appelle la zone mésopélagique, où il y a des organismes très différents de ce qu'il y a à la surface. Très différents, oui, on en verra peut-être certains. Alors, toujours pour rester sur le côté aussi, bien sûr, aventure... vous avez été défendu par la Royale, semble-t-il, puisque proche d'Aden, au golfe d'Aden, les pirates pointaient leur nez. Oui, il y avait ce gros problème, on devait passer dans cette zone infestée de pirates. Ouais. Et donc, on a eu des discussions avec le gouvernement français qui voulait évidemment pas qu'il nous arrive des ennuis, parce que ça aurait été assez catastrophique à plein de points de vue. Oui. Et donc, il y a eu toute une partie du voyage, enfin pas très longue, mais qui a duré une dizaine de jours, je crois, pendant laquelle il n'y avait pas de scientifique à bord, il y avait juste un commando, la commando marine nationale, ouais. qui était sur Tara, pour nous faire passer la zone dangereuse. Ouais. Ouais. Alors, ça a été un succès, en particulier d'une certaine façon un peu symbolique, qui montrait l'importance qui pouvait être attachée au niveau planétaire, hein, sur cette enquête pour comprendre non seulement le milieu océanique, puisque vous avez quand même compris un certain nombre de choses, et puis aussi les vivants qui s'y trouvent. Ban Ki-moon est monté à bord, à New York. Oui. Oui, alors ça, c'était bien parce que dans cette expédition, en fait, il y avait trois grands buts. Hein. Il y a un but scientifique, bien sûr. Il y a un but éducatif, donc pour les enfants et le public, et de leur expliquer à tout le monde l'importance de la vie océanique. Et puis un but politique qui est d'alerter les hommes politiques sur l'importance des océans dans l'écologie globale de la planète. Et donc de la défense des océans. Et donc Tara, c'était surtout le travail de Romain Troublet, d'Agnès et d'Étienne d'organiser cette rencontre avec Ban Ki-moon à New York. Et c'était très bien, on lui a expliqué, comme on explique aux enfants, comment fonctionne l'océan un peu. la physique de l'océan, la biologie et tout ça. Voilà. Et on a fait le tour de Manhattan sur Tara avec lui, c'était sympathique aussi. Ouais, Manhattan. Il y a beaucoup de plancton dans l'océan pollué à Manhattan. Oh, il y en a sûrement, enfin on n'a pas regardé là, mais il y en a sûrement beaucoup. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Alors je vous propose maintenant de regarder droit dans les yeux le plancton, et en particulier les protistes, parce qu'évidemment dans le plancton il y a des virus, des bactéries et des protistes. Et des plus gros, ce qu'on appelle le zooplancton. Et le zooplancton. Ouais. Alors, d'une certaine manière, on peut presque tout de suite tirer la conclusion, on continue à faire le départ entre zooplancton, phytoplancton, le végétal d'un côté et l'animal de l'autre. Et d'une certaine façon, c'est tellement symbiotique, c'est tellement complexe dans les relations de commensalisme dans ces êtres vivants que... elle s'estompe un petit peu cette frontière. Absolument. Dans l'océan, on parle pas de végétal. D'ailleurs, je pense, Colomban de Varga, c'est très, parle toujours beaucoup de ça parce qu'il considère que dans l'océan, on peut pas vraiment parler de végétaux. Il y a des algues photosynthétiques, donc qui ont des chloroplastes ou d'autres. Et qui ont besoin de lumière, évidemment. Qui ont besoin de lumière. Il y a des organismes qui mangent ces algues, donc un petit peu comme les animaux sur Terre. Mais on parle plutôt d'organismes hétérotrophes ou autotrophes. Les autotrophes, c'est ceux qui fonctionnent uniquement avec la photosynthèse. Hétérotrophes, c'est ceux qui mangent les autotrophes, plutôt que d'animaux et de végétaux. Pour faire image, je vous interromps une seconde, c'est analogue. L'herbe qui pousse toute seule, elle est autotrophe. La vache qui la mange est une hétérotrophe de l'herbe. Voilà, exactement. Elle se nourrit de ce qu'a fait pousser l'autre. Exactement. Mais dans l'océan, il y en a qui sont les deux. C'est-à-dire qu'il y a des protistes qui sont à la fois autotrophes et hétérotrophes. Ils ont des chloroplastes et ils sont aussi capables de manger d'autres organismes, des bactéries ou d'autres protistes. Ouais. C'est majoritairement ces protistes ce qui composent le plancton, semble-t-il. En tout cas, les deux tiers, là cette fois sur le plan planétaire, semble-t-il, les deux tiers des protistes sont dans les océans. Peut-être plus, non ? Enfin, dans les océans, les deux tiers des organismes sont des protistes. Oui, il y a énormément de protistes. C'est une composante considérable. Et la masse, disons, de la vie dans les océans, je sais plus exactement, mais c'est plus de 90% de la masse de la vie sur Terre. Hein. C'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est que les organismes océaniques, les petits organismes océaniques comme ça, le plancton, ont des taux de renouvellement très importants. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une masse considérable de ces organismes pour qu'il y ait une production de matière vivante colossale. Parce qu'ils se renouvellent tout le temps, donc ils utilisent du carbone pour se fabriquer sans arrêt, en se renouvelant très rapidement. C'est de la biomasse la plus importante de la planète, on peut peut-être dire. Oui, oui, oui, absolument. Largement, très largement. Oui. Alors, on a fait le distinguo entre autotrophes et hétérotrophes. Les protistes, généralement, donc, sont prokaryotes ou eucaryotes. Eucaryotes. Bon, je voulais la question ouverte. C'est donc, ça, voilà. Ils sont avec un noyau. Oui, ils sont avec un noyau. Ouais. Les virus, non. Et puis, certains prokaryotes, non plus. Non, les prokaryotes n'ont pas de noyau. Les prokaryotes, c'est ce qu'on appelle les bactéries. En général, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des bactéries. Les bactéries n'ont pas de noyau. Les acides nucléiques sont dans le cytoplasme. Et les virus, évidemment, les virus n'ont même pas de cytoplasme. Enfin, maintenant, il commence à y avoir des gros virus qu'on ne sait pas trop. Oui. C'est un peu plus compliqué. Mimivirus, le gros balèze. Voilà. Mais d'une façon générale, les virus n'ont pas de cytoplasme, ont besoin du cytoplasme des cellules pour se multiplier. Il y a énormément de virus. Il y a énormément de virus dans les océans aussi. Et oui. C'est là encore étonnant parce que c'est le parasite absolu. Il n'a pas de moyen de reproduction propre. Il faut qu'il aille se mettre dans un noyau de quelque chose d'existant et pour pouvoir se reproduire. Voilà. Et là, il prolifère. Évidemment, le virus. Mais d'ailleurs, il y a une masse de virus, énorme. Ouais. Mais d'ailleurs, on parle toujours de parasites parce que c'est une vision anthropomorphique des choses pour les virus. Mais je pense que dans l'évolution, dans la vie en général, les virus font partie des systèmes vivants. C'est-à-dire qu'il y a dans l'océan en particulier, il y a un certain nombre de virus qui ont des propriétés qui sont pas forcément il y en a qui tuent les cellules évidemment, mais pas tous. Et il y en a certains aussi dans des virus bactériens. Qui contiennent des gènes qui sont nécessaires au fonctionnement de la bactérie. Donc c'est des vecteurs de complexification, je pense aussi, et de transport de gènes. Oui, c'est ça. Ils peuvent de façon horizontale cette fois transporter des gènes d'un organisme à l'autre. Donc ils ne font pas que profiter de l'autre. Exactement. Ouais. Hein, ils ont bien sûr. Là encore, une fois encore, on peut répéter que il y a que des assemblées symbiotiques, quoi. Ça n'arrête pas ouais, de se mettre ensemble. C'est ça la vie, c'est ça, hein, c'est que ça. Hein. Mais oui, on l'a vu dans une émission, un rendez-vous récent de Continent Science, quand on sait qu'on a 1,5 kg grosso modo dans notre dit microbiote ou flore intestinale, ou dans le nez, dans les oreilles et sur notre derme, on voit bien que on est vraiment symbiotique ouais, avec beaucoup de commensaux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'au début, avec la découverte de Pasteur et puis des pathogènes, après, il y a eu toute cette peur des micro-organismes. Aux États-Unis, les Américains ont toujours peur des germs, ouais. des bactéries, etc. Mais en fait, on en a besoin. C'est capital. Ouais. Éric Arsentier, ça vous a pas étonné de voir que, grosso modo, la variété donc de la microflore était de, le microbiote que vous avez découvert dans les océans était analogue, enfin très proche, en tout cas pour les très fondamentaux du microbiote animal. Certains. Terrestre. Oui. Ça nous a pas, c'est, non pas vraiment. Enfin moi, ça m'a pas trop surpris parce que évidemment on dérive de ces organismes. Hein, notre, si on regarde par exemple le sang, notre sang est proche de la composition de l'eau de mer. Hein, donc on dérive, faut pas oublier qu'on dérive de l'océan. Hein. La vie sur Terre a commencé bien il y a seulement quelques centaines de millions d'années, alors que la vie sur Terre, enfin la vie dans les océans existait depuis très longtemps. Oui. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve, c'est certainement pas les mêmes exactement, mais on retrouve des descendants en fait de ces organismes dans le microbiote intestinal. Oui. Dans un des articles nombreux qui sont sortis. Quel triomphe là d'ailleurs, parce que c'était presque un numéro spécial de Science consacré à vos travaux, hein. Ouais. Et avec beaucoup de ils avaient l'air d'être contents les rédacteurs de cette grande revue scientifique, le papier d'introduction de tous les papiers scientifiques, je le trouve assez beau, il est très bien fait, il est enthousiaste, il est empathique, et en tout cas parmi ces travaux, puisque vous avez séquencé après donc la génomique vous a servi, on y reviendra, mais les gènes fondamentaux étaient franchement les mêmes quoi par rapport au microbiote là encore, ce qui confirme ce que vous dites. Un certain nombre, oui. Oui, un certain nombre. Dans les gènes bactériens qu'on a caractérisés, il y en a à peu près, disons en surface, il y a à peu près 50% des gènes qui sont connus, donc qu'on retrouve dans les bactéries en général, enfin dans les banques de données, et 50% qui sont inconnus. Par contre, dans les bactéries plus profondes, 80% des gènes sont inconnus. Donc il y a quand même énormément de protistes dans les de bactéries dans les océans qui ont des génomes totalement différents de ce qu'on connaît. De ce qui a été sélectionné sur Terre, justement. Alors, il y a une photo que je trouve très belle. Bon, le matériel, donc, qu'on voit, ce matériel vivant que vous remontez, je crois que c'est 200 boîtes, à chaque fois, pour, d'échantillons remontés entre deux stations, c'est bien ça. Donc, c'est un boulot incroyable. Grosso modo, allez, on va donner une échelle de taille, ça va de quoi? La taille des organismes? Oui, des plus petits jusqu'aux plus gros. Bah, de 0,2 microns à peu près jusqu'à quelques millimètres. Voilà. Ouais. Donc, c'est... Il y a toutes les tailles intermédiaires. Bien sûr, il y a toutes les échelles. Alors, j'ai été très étonné de voir, alors je vais le dire, ça va faire très cuistre, hein, mais tant pis parce que c'est exotique les termes, une parasite parce qu'elle s'appelle la phronine, qui est en train de paralyser un salpe. Ouais. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire que c'est très étonnant. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette phronine? Il y a une crevette, on dirait, je sais pas. C'est une espèce de petite crevette, hein, toute petite, qui est capable de, en fait, qui modèle les salpes. Les salpes, c'est des organismes gélatineux, donc il y a un organisme à l'intérieur avec plein de gélatine autour. Oui. Donc la phronine mange une partie réorganise cette gélatine et en fait un tonneau. Et donc elle se met, la phronine se met dans le tonneau et ensuite la femelle pond ses œufs dans le tonneau et s'occupe de sa descendance à l'intérieur de ce tonneau qui est voilà. Donc c'est l'organisme qui avait servi de d'ailleurs à, comment s'appelle Alien au film. Ah, c'est un des exemples d'aliens à l'origine, c'est ça, donc. Ouais, c'est ça. La chose qui peut pousser, comme font certains insectes, hein, qui pondent dans des coléoptères. Et pendant qu'ils vivent, pendant tout le temps où ils vivent, le garde-manger est là. Et puis après, les petits vers ont de quoi se nourrir. Donc c'est vrai, c'est ça, c'est toute cette imbrication de la vie qui est complexe, qui est très complexe. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que ce réseau d'interaction que vous soulignez tout le temps, Eric Carpentier, évidemment, ça forme un immense écosystème planctonique. C'est peut-être le plus grand écosystème de la planète. Hein. Mm-hmm. C'est même le plus grand système écosystème de la planète, n'est-ce pas ? Absolument. Oui. Et ce qui veut dire qu'il est très complexe, donc il est très ajusté d'une certaine façon, et c'est ce qui voudrait dire aussi, est-ce qu'il est très fragile ? Parce que dans ce cas-là, quand c'est comme ça, très complexifié, c'est une minute. C'est là où justement les mathématiques peuvent devenir intéressantes, et puis les modélisations. Parce qu'il y a une grande question, je pense, dans le domaine de l'écologie, c'est pourquoi, justement, les écosystèmes sont robustes. Oui. Parce qu'ils sont robustes. Oui. Hein, la vie s'est complexifiée. Alors évidemment, il y a l'histoire de l'évolution. Donc on peut dire c'est robuste parce que, au cours de l'évolution, ce qui a été sélectionné, c'est la robustesse. C'est les plus robustes. Mais pas forcément les organismes les plus robustes, mais les combinaisons d'organismes les plus robustes. C'est-à-dire que là, de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant parce que ça remet un petit peu en perspective la façon dont on voit l'évolution. Je crois que ce qui est important dans l'évolution au niveau de la sélection naturelle, c'est pas tellement la sélection des individus, mais la sélection des systèmes. Et donc, il faut parler. Moi, je pense que la vie, c'est des... Bon, évidemment, la vie, c'est tout, à chaque échelle, la vie, c'est des systèmes. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre la structure de ces systèmes. D'accord ? Pour l'instant, on les comprend pas du tout. Donc une des raisons de l'expédition Tara Océan, la raison pour laquelle on a organisé l'échantillonnage comme on l'a fait, c'est pour avoir des informations qui puissent être utilisées par des physiciens et des mathématiciens pour faire des modèles et les tester, évidemment. Alors vous avez un outil, Martin Andler, à proposer, petite cascade de riches. C'est un domaine qui se développe beaucoup en mathématiques, enfin tout ce qui est l'étude des systèmes dynamiques. Donc il y a une dynamique des océans, les courants, les tourbillons, les zones stables, etc., qui doit donner un certain nombre d'informations sur la manière dont les micro-organismes ont circulé à l'intérieur à l'intérieur des océans. Il y a tout l'aspect probabiliste, c'est-à-dire les croisements, les mutations, etc. Il y a plusieurs équipes en France qui travaillent sur ce genre de sujet. C'est un des développements les plus intéressants, les plus nouveaux des maths dans les 15-20 dernières années, je dirais. Mais c'est pas du tout mon domaine, je n'ai aucune expertise. Pourtant, la question tient d'ailleurs à cette occasion, puisque vous dites, vous avez une jolie formule qui m'échappe, mais en tout cas, vous êtes pour la recherche fondamentale, évidemment. Oui. Hein, bien évidemment. Oui, absolument. Oui. Là, comment est-ce que vous voyez les choses ? Parce que si toutes les maths, ou une grosse partie des maths sont dévolues à l'application technique, hein, on le voit par exemple dans la finance, c'est une manière de dévoiement. Hein. Ou alors, il faut comprendre autrement les maths appliquées. Il pique nos meilleurs matheux, donc c'est pas terrible. il en reste encore quelques-uns. Mais parce qu'il nous pique vraiment nos meilleurs matheux. Oh, il y a des très bons qui vont faire ça. Oui, des très bons, oui, bien sûr. Et en tout cas, vous réaffirmez, on le réaffirme à cette occasion, la recherche fondamentale est absolument, évidemment passionnante pour comprendre d'abord. Vous dites déjà... Ce qui est objet de passion, c'est comprendre. Ben, il faut connaître. Connaître et comprendre. Voilà. Enfin, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, il faut déjà savoir ce qui existe. Hein, je vais voir le plancton, je regarde à quoi il ressemble. Et puis, une fois qu'on a vu, après, on se pose plein de questions. Donc là, on essaye de comprendre. Comment est bidouillé. Donc la science fondamentale, la recherche fondamentale, c'est ça. Alors, il faut pas oublier, parce que souvent, on parle toujours de l'aspect de la compréhension. Mais la connaissance même, c'est-à-dire simplement de connaître le monde, c'est l'exploration. Ça reste important, parce qu'on a considéré, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, ça devenait difficile de trouver des financements pour explorer. Alors, sauf, les planètes, c'est différent, parce qu'il y a une tradition. Mais par exemple, l'océan, nous, on a eu énormément de mal à financer Tara Océan, parce qu'on partait simplement collecter, quelque part, au départ. Donc, je pense que ça, c'est un tout. Hein. La connaissance et la recherche fondamentale, c'est des choses qui sont essentielles. D'abord parce que c'est à la base de tout ce qu'on peut faire après au point de vue technologique, mais surtout parce que... Mais surtout parce que ça nous renseigne sur notre position dans l'univers, c'est purement philosophique. On a besoin de ça. Toute notre civilisation occidentale, elle est basée là-dessus, il faut pas l'oublier. Oui. Hein, on l'oublie trop souvent, en particulier nos hommes politiques, les grandes entreprises, etc. oublie qu'on baigne dans une culture scientifique de connaissances rationnelles. Oui. Et donc, évidemment, si on abandonne ça, on abandonne notre âme complètement. Oui, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Certes. Ou de l'homme. Oui. Mais de toute façon, la libido cognoscendi, tout le monde la partage, c'est universel, hein, puisqu'il n'y a pas de, bien évidemment, il n'y a pas de chimie japonaise, il y a la chimie tout court, et tout le monde s'y met. Et revenons justement à l'intérêt de Tara dans la circonstance, parce qu'il y a des gros bateaux océanographiques. C'est peut-être difficile pour vous de trouver des budgets. C'est une grande chance que ce soit des mécènes intelligents qui sont là. J'ai remarqué que c'était très discret, la publicité en particulier, qui pouvait être mobilisée dans ce cas de mécénat. L'avantage, c'est que vous êtes petit. L'avantage, c'est quand même, c'est presque furtif, Tara, quoi. C'est, hein, c'est, oui, enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, parce que quand vous voyez des grands chaluts là, enfin, d'un certain point de vue, oui. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Agnès, parce que je trouve que on n'a pas assez de mécènes comme ça en France, en Europe et en France en particulier. Il y a une tradition aux États-Unis un peu plus, beaucoucoup plus développée des grandes entreprises pour le mécénat scientifique. Mmh. Et là, il y a eu vraiment, il y a une opportunité absolument extraordinaire. Donc, ouais, je veux la remercier. Et puis, s'il y a d'autres financeurs privés qui sont intéressés par cet aspect de la recherche fondamentale, sans but appliqué, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de résultats pas finalisés. Salut Laval. C'est très important. Oui. Bah écoutez, on va espérer. D'ailleurs, ça se voit sur un des aspects. On va arrêter de faire des louanges à vos mécènes. Mais en tout cas, on voit l'implication parce qu'il y a des photos d'Agnès qui, donc, bon, c'est ses photos. On peut les juger comme celles d'un photographe ou d'une photographe. Mais on sent la passion derrière. C'est-à-dire que elle est dans l'affaire, Tara. Oui, bien sûr, quoi. Bien sûr. Et ça se voit à travers elle, ça. Elle adore ce bateau. Elle aime beaucoup l'équipe. Et je pense qu'elle aime aussi l'interaction avec des gens différents. Oui. Agnès, c'est une personne qui est intéressée par la différence aussi. Oui. Et donc, la connaissance, tout ça, c'est très bien. Ouais. Alors, après avoir dit tout le bien de ce mécène-là, on peut dire aussi le mal de certains qui sont des fonds hypocrites. Hein, en particulier aux États-Unis, c'est une manière de ne pas payer l'impôt. Ouais. C'est, enfin bref, c'est quand même des gros malins. Et ils revendiquent le fait, je ne citerai personne parce que la liste sera très longue, mais de faire du mécénat scientifique simplement parce que ils n'ont pas envie qu'il y ait de l'impôt là-dessus et la recherche publique n'existe pas, quoi. Hein? Mm-hmm. En tout cas, les fonds pour la recherche publique existent beaucoup moins, sinon par l'armée. On aimerait bien que certains de nos milliardaires français agissent comme les Américains. Américains plutôt que simplement financer des musées à leur propre gloire. Mais vous avez raison. Et donc, mais vous avez dit, il me semble, tout à l'heure que Tara avait démarré plutôt comme une entreprise donc, de prise de conscience plutôt médiatique et c'était devenu un petit peu. Enfin, par hasard, je ne sais pas s'il faut dire ça par hasard, mais une expérience scientifique un peu dans un deuxième temps. Est-ce que vous... C'est pas Tara, c'est non, moi. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais le sentiment qu'on ne faisait pas assez de communication sur la science, ce qu'on appelle la vulgarisation. Oui, oui. Et donc, je m'étais dit, comme je navigue, je m'étais dit, ce serait bien d'utiliser le romantisme d'un voilier pour parler. En particulier en utilisant le voyage de Darwin, hein, le voyage du Beagle, pour parler de science moderne, hein, c'est-à-dire faire des émissions un peu à différents endroits dans le monde en utilisant le bateau. Mais en fait, ça s'est avéré difficile. Et donc, j'ai contacté Tara après avoir changé d'avis là-dessus, et j'ai essayé de faire une vraie expédition scientifique et d'utiliser ça pour faire de la communication. Après, en utilisant la science qui est faite dans le... Et c'est beaucoup plus logique, en fait. Oui. Ça marche bien. Et petite information qu'il ne vous donne pas, mais qui devrait vous intéresser, Martin Handler, c'est que, évidemment, sous la houlette d'Éric Arsenti, Tara a reçu, en particulier dans un certain pays, 2500 élèves, je ne sais plus lequel c'était, écoliers... On a des milliers d'élèves et d'écoliers qui sont passés sur Tara, dans tous les pays du monde, et à qui on a expliqué ce qu'on faisait. Oui. Thank you. C'est une manière d'analogon musical sonore. Il s'appelle Yom, m'a dit notre réalisatrice d'Annie Journaux, qui serait donc l'analogon d'une descente. Et il est déjà 16h36 pour ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Martin Anglais, à Dégric Carcenti, à faire notre circumnavigation et à observer les protistes dans les yeux. On avait décidé au préalable de l'émission de commencer par faire le cadre. Et puis, bon, on est parti tout de suite sur les animaux. Enfin, en tout cas, les vivants, pardon, qui sont donc le plancton et qui composent donc ce plancton. Donc, venons-en, bien évidemment, à l'océan d'abord. Ce qui m'a étonné, je prends la chose la plus étonnante, c'est que, évidemment, longtemps, on a cru que le mouvement général des courants dispersait de façon... Bon, il n'y a pas très bien, quoi, on ne connaissait pas. Et là, j'ai découvert, bien les articles, là où suivent, que, Carcenti, il y a des tourbillons, l'histoire de la pointe de l'aiguille. Bref, alors, qu'est-ce que vous avez découvert, là? Parce que c'est incroyable, ces tourbillons. Bah, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est encore une fois, les physiciens et les mathématiciens ont fait des modèles absolument fabuleux de la circulation globale océanique. Donc maintenant, on connaît très très bien cette circulation. Il y a des modèles prédictifs qui décrivent très très bien comment les courants sont organisés, leur vitesse, leur force en surface, en profondeur, dans tous les océans. On sait les phénomènes de Poeling, quand ça remonte, ainsi de suite. Exactement, tout ça c'est très bien décrit. Oui. Et donc, comme on sait ça, on peut se poser des questions sur la façon dont ces courants transportent les organismes, justement, et de façon assez déterministe, finalement, là. Hein. Après, et comment ça contrôle, justement, comment ça détermine la structure des écosystèmes à différents endroits dans les océans. Du coup, on a des régions complètement différentes, et c'est lié au transport, à la température, à la concentration en nitrate, à plein de choses comme ça. Alors, le courant des aiguilles, effectivement, l'Afrique du Sud, il y a le courant, ce qu'on appelle le courant des aiguilles, qui est un courant très, très puissant, qui descend le long de la côte est de l'Afrique, et qui rencontre en bas le courant circumpolaire, qui lui va vers l'ouest, vers l'est, pardon. Oui. Vers l'est, oui, c'est ça, oui. Et donc, les deux se rencontrent, et ça fait d'énormes tourbillons, qui ont environ 400 km de diamètre, et qui peuvent descendre jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Et du coup, ça perturbe complètement le transport des organismes de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Oui. Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec Tara Océan, c'était d'essayer justement de comprendre un petit peu comment ces organismes passent d'un océan à l'autre. Donc, on a, avec la génomique, on a pu caractériser la diversité et les gènes qui sont présents dans l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan polaire. Et puis, dans certains de ces anneaux. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'organismes qui étaient pareils dans les deux grands océans, mais que l'océan Antarctique est très différent, donc l'océan polaire, et que ces fameux anneaux sont aussi très différents. C'est-à-dire que c'est des zones où l'environnement change, et les organismes qui sont piégés dans ces tourbillons, au moment où ils se forment au sud de l'Afrique. Et ils restent longtemps permanents, hein. Ils existent les longtemps. Ces anneaux-là, ces tourbillons durent pendant un an ou deux, ils traversent l'Atlantique, hein, jusqu'au Brésil. Et pendant ce temps-là, bah, toute la population qu'il y a dedans change, elle évolue tout doucement. Et donc, on a caractérisé un de ces anneaux. Donc, on peut pas faire, c'est trop compliqué d'en suivre un complètement, mais. Là, on a vu qu'effectivement, il était différent. Il se passait des choses très différentes dans cet anneau de ce qui existe dans les océans autour. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'un tourbillon de ce type-là, avec sa permanence, peut emmener du plancton de l'océan Indien, justement, à l'Atlantique? C'est ce qu'il fait. On va le retrouver jusqu'à l'océan Arctique. Jusqu'à le Rio de Janeiro par là. Il va vers les côtes brésiliennes. Ces anneaux-là remontent dans l'Atlantique Sud, ouais. Oui. Donc ils transportent des organismes tout en modifiant la composition de l'écosystème. C'est-à-dire que donc c'est une grande mélange. Alors d'une façon générale, moi je pense que les océans c'est une espèce de grande machine à laver, si vous voulez, une machine à évolution. Parce que comme les organismes sont transportés en permanence d'une région chaude à une région froide, de région froide à une région chaude, il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a un certain nombre qui probablement s'adaptent et donc la structure des écosystèmes change en permanence. Je pense qu'on connaît rien de tout ça et ça va être vraiment intéressant d'étudier ça. Ouais. Oui, avec toute cette récolte-là. Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que à chaque océan, d'une certaine façon, il y a un plancton particulier, singulier? Des structures particulières dans chaque océan. Oui, c'est lié à plein de choses. C'est très étonnant. Ça. Ouais, c'est lié à la richesse en sel nutritif. Même dans un océan, par exemple, le centre de l'Atlantique Sud ou le centre du Pacifique Sud, c'est des zones très oligotrophiques, donc il y a très peu de nutriments. Et donc on ne trouve pas du tout les mêmes organismes que dans des zones très riches comme en Antarctique, au pôle Nord ou même au niveau de l'équateur, parce qu'au niveau de l'équateur, il y a des remontées de... Donc ça, c'est tout ce qui, disons que c'est l'environnement qui détermine un petit peu la structure des écosystèmes, mais aussi les interactions entre les organismes ensuite. C'est un tout, quoi. C'est assez complexe. Parce que tout est coordonné et pourtant les choses sont de nature différente. D'où ce mystère un peu de la robustesse et de la stabilité de ce système. Ouais. C'est une grande question, en tout cas. Ouais. Et qui est d'importance. Alors, pour revenir sur la situation la plus générale, bien évidemment, dans la machinerie climatique de la Terre, l'océan a un rôle absolument fondamental. Bien sûr. Mmh. Énorme. Ouais. Si on imagine, et on pourra essayer de poser les questions peut-être élément par élément, cette fois du point de vue chimique, mais si d'un seul coup il y avait une acidification ou une autre perturbation de cette chaîne trophique, parce qu'il faut quand même dire que, partant du plancton, qu'il soit zoo, qu'il soit philo, c'est le début de la chaîne alimentaire qui va remonter jusqu'au... certaines se font la queue toute seule, les baleines par exemple, qui mangent du plancton avec leur fanon, mais évidemment les requins, ainsi de suite, et donc par contre-coup, une majorité de la population humaine qui vit sur les côtes. Donc si la chaîne trophique marine était à mal, on serait devant une situation de désastre climatologique considérable. Oui, absolument. En plus, s'il y avait vraiment une perturbation considérable du fonctionnement de l'océan, ça aurait des conséquences à la fois sur la chaîne trophique, mais aussi sur le climat général de la Terre. Cela dit, il faut pas oublier que, si vous voulez, le plancton qui existe actuellement dans les océans a à peu près, disons, la complexité de ce plancton a à peu près 800 millions d'années, entre 500 et 800 millions d'années. C'est beaucoup. Pendant ces 500 ou 800 millions d'années, il y a eu des changements considérables sur Terre. Il y a eu la dérive des continents, donc il y a eu des changements dans la circulation océanique, il y a eu des changements de température énormes. Donc, le plancton est jamais mort. Mais il a certainement changé beaucoup. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est probablement pas du tout les mêmes organismes qu'il y avait il y a quelques centaines de millions d'années. Est-ce qu'on peut dire, Eric Arsenti, que d'une certaine manière, il a été pris dans les grandes extinctions d'espèces, que l'on a connues, qui sont au nombre de 5, qui a connu cette planète, bien évidemment. Oui. Donc le plancton a subi ces extinctions, mais le fait qu'il ait survécu comme il l'a fait montre qu'il est robuste, parce que cet écosystème, il est robuste. Et la concentration en oxygène, par exemple, de la Terre, qui a augmenté justement il y a à peu près 5 ou 600 ou 800 millions d'années, qui est passé de très peu, de 1% à peu près à 20%, c'est-à-dire que la concentration nécessaire pour qu'on puisse exister. Dans une belle atmosphère bleue. Elle existe, cette concentration élevée d'oxygène existe quand même depuis plus de 500 millions d'années. Donc si vous voulez, et justement c'est pendant ces périodes-là, il y a eu des grandes extinctions, il y a eu plein de choses qui s'est produites. Donc il y a des fluctuations, hein, ça monte, ça descend, la concentration en CO2 aussi a changé. Donc il y a des fluctuations, mais finalement, je pense qu'on est arrivé à un système qui est relativement tolérant. Donc je suis pas certain, si vous voulez, que même ce qui se passe en ce moment va conduire à nécessairement un désastre absolu. Il va y avoir des changements, c'est sûr, des changements importants. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir les prédire, c'est savoir ce qui va se passer réellement. Pour l'instant, je pense que bon, ça va se réchauffer, mais même si ça se réchauffe de quelques degrés, la Terre en a vu d'autres, donc on pourra continuer à survivre. Mais ça va générer des problèmes, mais des gros problèmes même pour les populations autour des océans, mais ça va pas conduire, je pense pas, à une disparition du plancton, par exemple. Alors regardons, parce que certains disent, en particulier, prenons l'acidification des océans, certains y voient un vrai danger, on ne sait pas encore la capacité d'absorption de certains gaz à effet de serre de l'océan. Mm-hmm. Donc quid de l'oxygène, par exemple. Là, vous êtes devenu, et en plus avec cette fois l'aide, si l'on peut dire, de votre analyse du plancton, qui est un élément de cet immense écosystème, des auxiliaires de la climatologie, d'une certaine façon, au moins pour les constats. Absolument. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que déjà on passe, il y a une augmentation ou une raréfaction de l'oxygène? Il y a une augmentation du volume des zones qu'on appelle anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène. Et alors ça, c'est beaucoup plus dangereux que l'acidification, en fait, parce que vraiment, ça tue tout ce qui respire. Donc on se retrouve, et alors les zones anoxiques, si vous voulez, dans les zones anoxiques, on se retrouve avec des grandes quantités de bactéries spécifiques, hein, qui étaient connues déjà, mais qu'on a bien caractérisées dans Tara Océan aussi. Donc et là, c'est aussi ce qui va permettre de savoir comment ces zones anoxiques vont se développer, c'est à la fois une meilleure connaissance de la biologie qu'on va avoir avec les résultats de Tara Océan, et évidemment combiné avec l'océanographie physique, c'est-à-dire la circulation océanique et l'impact du réchauffement climatique sur ces deux paramètres. Alors il y a un chiffre qui est étonnant, numériquement, les virus sont très très importants aussi. Ça, c'est une grande découverte. Et des milliards, ouais, de virus. Oui. Ah bah oui, parce que là, j'ai relevé le chiffre en particulier. Donc numériquement, les plus importants, de 10 à 100 milliards de cellules virales. De virus par litre. Ouais. Oui, par litre d'eau de mer. Ouais, il y en a plein. Ouais. C'est des pléthores, là. Hein. Ouais. C'est pour ça, quand on dit, quand on a peur des germs, et des on peut se baigner dans la mer, il n'y a aucun problème, parce qu'ils ne nous attaquent pas, on est différent, quoi, on a évolué différemment. Puis on a des bactéries pour nous défendre, hein, toujours pareil. On a notre holobionte. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde la diversité des virus, elle n'est pas très, très importante comparée à la diversité. En termes d'espèces. En termes d'espèces, ouais. Oui. Enfin, on ne peut pas parler d'espèces pour les virus, on parle de type. Hein, de type, oui. De type de virus. Mais il y a, je ne sais plus combien, on a trouvé à peu près sur je crois qu'on a sur 10% des échantillons de Tara, on a à peu près 5000 types différents. Il doit y en avoir, si on extrapole, on pourrait arriver à environ 50 000 types de virus, de virus bactériens différents. Oui. Alors que, par exemple, pour les eucaryotes, donc les protistes et les zooplanctons, pour l'instant, on a identifié environ 150 000 espèces ou genres d'organismes. Mais il y en a probablement. C'est là aussi, on est peut-être à. Il faudrait peut-être multiplier ça par 10 pour avoir le nombre total d'espèces dans les océans. Donc il y a à peu près, probablement, c'est de l'ordre du million d'espèces pour les eucaryotes et pour les protistes compris, donc protistes compris, oui. Et pour les, ou peut-être même plus d'ailleurs, et pour les virus, ce sera plutôt de l'ordre de 50-100 000, quoi. Oui. Et là, il y a du boulot sur la planche, si je puis dire, parce que c'est pas fini l'analyse, hein. Ça va utiliser encore beaucoup de personnel scientifique. Mm-hmm. Vous estimez à peu près à 2017, c'est un des chiffres que j'ai vu dans cette littérature, peut-être plus, encore de temps pour arriver à finir, parce que évidemment vous avez la génomique, donc c'est une machine formidable pour séquencer très très rapidement et identifier donc en particulier les protistes, ainsi de suite, le type de bactéries, le genre, bon, mais donc c'est un outil d'une économie extraordinaire, d'une puissance élucidante, identifiante, importante, considérable. Mais jamais personne n'a ramené autant de matériel que vous. Non. Donc, il y a encore combien de temps de boulot? Parce que ça ressemble à l'astronomie quand Ouais, ça ressemble un peu à l'astronomie. Il y a un premier aspect qui est simplement le séquençage qui est fait au Génoscope, donc dans la région parisienne là. À Évry. Et donc le séquençage. Mais maintenant le séquençage, je crois que ça devrait être fini dans 2 ans à peu près. Mais ça, c'est seulement la première partie. Après, il faut organiser les séquences, hein, les données, les stocker. Et puis après, utiliser ça pour essayer de comprendre des choses. C'est là où ça prend beaucoup plus de temps. Hein. Donc en fait, l'analyse des données, l'étude, si vous voulez, pour essayer vraiment d'extraire le maximum de toutes ces données, c'est plusieurs dizaines d'années, je pense. Plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait dans Tara Océan-là il y a seulement une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 ans, on n'aurait pas pu séquencer, c'était trop cher, ça, le coût a diminué énormément, on n'aurait pas pu stocker, on n'aurait pas pu reconstruire les génomes comme on l'a fait, parce que les ordinateurs, on n'avait pas assez de puissance de calcul, on n'aurait pas pu stocker les données parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace de stockage. Donc si vous voulez, on a fait ça juste à un moment qui était intéressant, où on avait la possibilité d'analyser, ce dont les gens parlent de big data, hein, c'est la mode. C'est un peu ça. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Les grosses banques de données, Mais c'est beaucoup, beaucoup de données, Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Parce que, évidemment, une des habitudes, il faut savoir de quoi on parle, et il faut trouver les bons mots, et puis aussi, donc, les bons critères pour former ces bons mots. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes pour la systématique? La cladistique va s'y retrouver, ou ça va être encore l'enfer? Alors, c'est très intéressant, parce que justement, Colomban de Vargas à Roscoff, là, est en train d'organiser tout un workshop avec un financement de la Moore Foundation aux États-Unis, pour renommer un petit peu toute cette cladistique et justement essayer de pouvoir utiliser la génomique en parallèle avec ce qu'on connaît déjà de la diversité avec des noms qui ont été donnés un petit peu au hasard dans le passé. Donc ils sont en train de réorganiser toute la nomenclature, si vous voulez, de... Ça va être aussi un gros travail. Énorme travail. On a pratiquement, je crois qu'il y a $1 million prévus. Oui. Juste pour faire ça, oui. Avec des arbres absolument incompréhensibles, évidemment, pour le commun des mortels. Ouais, mais bon, je pense qu'ils vont devenir compréhensibles. Petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Par exemple, est-ce que les protistes peuvent être sexués? Oui, bien sûr, il y a de la sexualité. Alors, de ce point de vue-là, il y a des choses très, très amusantes, c'est que la façon... Moi, je suis biologiste cellulaire, donc je connais pas mal de mécanismes de biologie cellulaire. Et quand on regarde la façon dont les protistes se mangent, en fait, il y a des parallèles avec la fécondation. C'est-à-dire qu'un spermatozoïde qui rentre dans un œuf utilise des mécanismes assez semblables à ce qu'un protiste utilise, au mécanisme moléculaire qu'un protiste va utiliser pour fusionner sa membrane avec celle de l'autre protiste et l'aspirer et le manger. Donc là encore, on voit qu'au niveau de l'évolution, il y a des mécanismes moléculaires qui sont apparus qui servent à complètement autre chose après que ce par quoi ils ont commencé. Ça, c'est une parcimonie donc d'un certain type de mécanisme. Et dans ce cas-là, donc il faut avoir les bonnes clés. Donc elles sont en termes moléculaires, ces bonnes clés. Soit pénétrer pour bouffer, soit pénétrer pour, au contraire, se reproduire. Pour se reproduire, voilà. Oui. C'est étonnant, là encore, parce que on a le même étonnement qu'avec ce schéma du parasitisme bien contrôlé et bien compris avec le commensalisme, le mutualisme. François Jacob avait bien parlé de ça dans son livre, il parlait du bricolage de l'évolution. Oui, qu'on répète souvent, C'est ça, c'est du bricolage, mais c'est de l'auto-bricolage, c'est-à-dire que c'est pas un bonhomme qui bricole dans son atelier. C'est la planète qui bricole. Elle n'arrête pas de bricoler. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? C'est peut-être la question. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est en fait toute cette complexité d'interaction. Parce que j'avais jamais pris le temps d'y penser, en fait, en travaillant sur la biologie cellulaire. Bon, on voyait bien la complexité moléculaire des cellules, mais là, j'ai été surpris par la complexité des interactions et la dynamique du système. Il y a une dynamique. C'est pour là encore, on retourne vers les physiciens et mathématiciens. C'est qu'il y a, pour comprendre ces écosystèmes, c'est vraiment une dynamique fabuleuse, quoi. Oui, ça bouge. Ça bouge, oui. Oui, ça bouge et en même temps, ça a des régularités, c'est celle qu'il faut trouver, c'est bien ça. C'est une dynamique qui génère de la stabilité, c'est une stabilité dynamique si on veut, qui évolue, quoi. Mais il y a une certaine stabilité, c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. Comme toutes ces grandes étapes, parce que, de la biologie contemporaine, en particulier de la biologie des protistes, là, on n'est ni avec les animaux, ni avec les champignons, ni avec les plantes, ni avec les archées. On était avec des drôles de zozos. Mais je crois que c'est général, complexité, complexification. Voilà. On le trouve à tous les carrefours, des grands moments de la biologie, non ? Ouais, absolument, oui. Et ça, ça ramène un petit peu à cette grande question de l'existence de la vie dans l'univers. C'est-à-dire que est-ce que c'est unique ou est-ce que ça peut se produire un peu partout ? En fait, ça fait partie de la. Pour moi, la vie, ça fait partie de l'univers. C'est-à-dire que c'est une des propriétés d'organisation dynamique de l'univers conduit à ces structures, à ces systèmes vivants qui stockent de l'information et qui la propagent. Qui sont auto-répliquants, mais à base de carbone majoritairement, donc on peut peut-être utiliser autre chose, et que la vie, c'est-à-dire cette capacité auto-reproductrice, auto-répliquante, a pu utiliser d'autres matériaux Eric Carcenti. Martin Andler, alors on va parler de quoi là ? C'est le contraste total, donc non, quelle leçon ? Oui et non, Carcenti a parlé de dynamique, de stabilité. Mais ça, c'est exactement les maîtres mots de ce dont on va parler. On peut parler aussi de chaos, qui est un peu l'inverse de la stabilité. C'est une théorie qui a démarré avec l'étude du mouvement des planètes, du système solaire. Pourquoi est-ce que notre système solaire est stable ? En fait, on ne sait pas s'il est stable ou pas. C'est un problème qui a été étudié par Poincaré, qui a été repris dans les années 60 avec une théorie qui est très fameuse, qui s'appelle la théorie CAM, pour Kolmogorov, Arnold et Moser, et la conférence de mercredi 18h30 à la BNF. C'est Marie-Claude Arnaud, qui est une des meilleures spécialistes de la théorie CAM dans le monde, qui va nous expliquer la théorie CAM, la contribution d'un des mathématiciens, Moser, à la théorie CAM. Et ça s'appelle Jürgen et les tokamaks. Donc elle a plutôt pensé à l'application... À la fusion. À la fusion, mais on aurait pu aussi penser au phénomène de circulation des courants, aux zones d'instabilité, etc. C'est un peu la même chose, finalement. Alors là, d'une certaine manière, là, c'est rendre hommage à Poincaré, qui a été novateur, Martin Andler, sur les études des relations à trois corps, donc des mouvements à trois corps, où on voit que, d'un seul coup, eh bien, on perd les conditions initiales et que le déterminisme en prend un coup. Et donc... Alors, le déterminisme n'en prend pas un coup, mais on est incapable d'avoir les informations suffisantes pour pouvoir faire les prédictions. Donc, c'est un système déterministe, mais on n'est pas capable de le prédire. Alors, juste pour finir, je vous pose la question à vous, on va voir, puisque de toute façon, Eric Carcenti trouve que, évidemment, ces disciplines qu'il pratique sont belles et les connaissances qu'elles apportent sont belles. C'est une belle mathématique. Ah, c'est une magnifique mathématique. Elle est ancrée dans l'histoire des sciences et elle s'est développée de manière extraordinaire. Elle a des applications dans énormément de domaines. C'est vraiment c'est des très belles mathématiques. Ben merci Martin Andler. C'est mercredi prochain, donc avec beaucoup d'audience à chaque fois. Alors je vous la souhaite encore, cette bonne audience. Et on arrive au terme. Voilà, il est presque 17h. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent les bienvenues. Aujourd'hui à la console technique, c'était Alexandre Dang. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, d'Annie Journaud, Stéphane Denis-Georges. Petite précision, tous rendez-vous samedi pour le forum qui chaque année regarde, ça sera 2015, par la lunette des sciences, donc qui se tiendra 2016, oui, dans l'année 2016, mais on va regarder l'année 2015, bien sûr, parce que autrement on serait dans le divinatoire. Continent Science, comme vous le savez, balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission, n'importe où, n'importe quand, vous reportez au site internet France Culture, Continent Science. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.